Je dois dire que, vous savez, c'est depuis 40 ans qu'il y a cette tradition de l'échange des délégations, aux fêtes patronales, à Rome, pour la fête de Saint-Pierre et Paul. Donc il y a toujours une délégation du patriarcat œcuménique qui vient depuis 1967. Et aussi, réciproquement, il y a une délégation de l'église de Rome à la fête patronale du patriarcat œcuménique, la fête de Saint-André à Constantinople, Istanbul. Comme vous savez, le 30 novembre, le 29 et 30 novembre dernier, il y avait, ça s'entêtait le pape qui est venu à la fête donc de Saint-André à Constantinople, la fête donc du patriarcat œcuménique. Il n'y a pas de. Enfin, il y a, comme vous savez, le dialogue a repris, le dialogue officiel. Il y a encore du travail à faire. Il y a de bons signes que, après la reprise du dialogue théologique, on va voir bientôt des résultats qui seront des résultats et des fruits très positifs. La Cour suprême de Turquie a confirmé les décisions des autorités turques, comme quoi on ne devait plus dire le patriarche œcuménique de Constantinople, le patriarche de Constantinople tout court. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce genre de décision? Dans un pays laïque comme se veut la Turquie, il y a des autorités qui interviennent. Comment peuvent s'appeler une église qui est sur ce sol depuis 17 siècles? Et aussi, c'est une surprise que un titre historique comme le titre du patriarcat œcuménique, du patriarche œcuménique, un titre que le patriarche porte depuis au moins le 6e siècle, maintenant devient un sujet de discussion et de décision de tribunaux dans ce pays démocratique qu'est la Turquie. Donc c'est une surprise, une double surprise pour le manque tout d'abord de respect de la liberté religieuse dans ce pays et aussi du manque de connaissances de faits historiques d'autre part. Nous croyons que, de toute façon, le patriarche est reconnu sous ce titre partout dans le monde. Sa sainteté le pape l'a répété plusieurs fois dans ses homélies et dans cette discussion que nous venons d'avoir, que l'Église de Rome continue à respecter et à appeler le patriarche avec les titres qu'il porte depuis des siècles. Et je ne pense pas que ça va changer. En tant que représentant des églises orthodoxes auprès de l'Union européenne, est-ce que ça interpelle en vous disant que la Turquie n'est pas prête à rentrer dans l'Union européenne ou au contraire La Turquie se trouve dans un processus qui doit se préparer si elle veut vraiment faire partie de la famille européenne. Et ça ne dépend pas des églises, ça dépend tout de la volonté du pays à s'ouvrir, à respecter la liberté religieuse, à respecter les communautés des minorités qui se trouvent sur son sol, qu'ils soient des communautés chrétiennes ou des communautés musulmanes ou juives ou d'autres. Et elle doit faire des efforts qui sont nécessaires et aussi remplir tous les critères que la communauté, l'Union européenne demande à tous les pays candidats. Les signes que nous voyons actuellement, nous sommes un peu pessimistes pour l'avenir. Et je crois que, bien que nous avons espéré, et nous espérons toujours que la Turquie puisse faire partie de l'Union européenne si elle remplisse tous les critères qui sont nécessaires, nous sommes quand même déçus d'avoir tant de retard aux demandes que nous avons adressées en tant que patriarcat œcuménique aux autorités turques. Il y a toute une série de demandes que nous avons adressées officiellement au gouvernement et nous restons toujours sans réponse, malheureusement. Nous attendons plus de gouvernement qui va sortir après les élections du mois de juillet. Nous sommes optimistes que les choses puissent changer pour l'avenir des chrétiens en Turquie et aussi que, surtout pour le patriarcat œcuménique, qui est une église qui est là, comme je viens de le dire, depuis 17 siècles déjà. Malheureusement, les valeurs chrétiennes parfois ne sont pas reconnues dans certains pays. Nous avons aussi vu dans le traité constitutionnel que cet héritage chrétien de l'Europe n'a pas été mentionné. Et dans le nouveau traité qui va être proposé, bien qu'il n'y aura pas de préambule comme l'a été annoncé, j'espère tout de même qu'il y aura au moins l'article 52 qui était dans le traité que nous avons connu et qui stipule donc quand même la possibilité d'avoir un dialogue avec les autorités européennes. Le rassemblement de Sibiu, moi je dirais que c'est un événement très important pour tout le monde, pas seulement pour les chrétiens, mais pour tous les habitants de l'Europe. De venir ensemble et surtout ceux qui portent le nom de chrétiens et qui sont de baptisés, de donner un témoignage commun de valeurs chrétiennes qui sont la base de la civilisation européenne. Moi, je ne pense pas qu'on puisse avoir un village ou une ville en Europe où il n'y a pas une église qui est construite.